Théo Varlet, La Grande Panne. Chapitre 1, aux ruines de Toro-Anton. Il est certain que si, au retour de cette excursion, j'étais monté dans la voiture de Géo, et non dans celle du docteur Alburtin, toute mon existence en eût été changée, et fort probablement aussi l'avenir du monde. C'est pourquoi les propos que nous tîmes cet après-midi-là, le 15 octobre, moi, Géo, sa sœur Luce, leur mère et le docteur, devant les ruines de Toro-Anton et l'azur de la Méditerranée, commence pour moi l'aventure. Mais d'abord je me présente. Gaston Adolphe Delvar, né à Lille, Nord, 27 ans. Artiste peintre d'un talent honorable, si j'en crois l'opinion de mes amis, et surtout les prix que les marchands et les amateurs payent mes toiles. Je n'en suis pas plus fier pour cela du reste, car certains badigeonnages exécutés par des farceurs sans aucun mérite atteignent des cotes beaucoup plus élevées au décimètre carré. Du moins, je gagne ma vie, et j'ai conscience de faire de l'art véritable, ce qui n'est pas déjà si commun. Mais passons, mon art n'est qu'indirectement en cause dans la présente histoire. Il vaut mieux faire remarquer que je suis, à l'époque dont je parle, célibataire, en flirt superficiel avec Mademoiselle Luce de Ricourt, sœur de mon ami Géo, un ancien camarade de lycée devenu ingénieur, que j'avais perdu de vue et que j'ai retrouvé depuis une quinzaine à Cassis, où je suis venu villégiaturer, peindre et me livrer au plaisir des bains et d'un nudisme tempéré. Luce de Ricourt, 24 ans, une rousse d'un roux ardent, me fait songer à la Danaïde du Titien qui est au musée de Naples, a pour moi un attrait esthétique, freiné par une incompatibilité morale, évidente et indéniable. Baronne authentique, mais sans fortune, elle est aussi moderne que possible et regrette de n'être pas née américaine. L'argent compte avant tout dans la vie, affirme-t-elle. Elle s'est jurée d'atteindre la richesse, connaît le gros brasseur d'affaires Rosencrantz et se livre à des opérations de bourse fructueuses. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir un flair artistique assez développé, mais uniquement utilitaire. Elle estime mes tableaux, elle a confiance dans l'ascension future de leur valeur marchande, mais elle méprise ouvertement mon manque de roublardise qui retarde la hausse. « Tonton !» me répète-t-elle, car elle a fait de mon nom ce gracieux diminutif, et elle me tutoie comme il y a 10 ans quand elle m'arrachait les cheveux par gentillesse. « Tonton, tu n'es pas à la page. Tu as beau te croire jeune, tu es aussi fossile que ma noble mère avec tes principes d'avant le déluge. » Ou encore, « Mon pauvre vieux, ce qu'on se chamaillerait nous deux si jamais il me prenait la fantaisie de t'épouser. » C'est bien mon avis, mais il n'y a aucune chance, heureusement. Pas pressée de se marier, elle raille le sentimentalisme, regrette de ne pouvoir suivre les cours du professeur Morton de New York pour devenir une vampe accomplie et n'épousera jamais qu'un homme faisant beaucoup d'argent. Un money-making man, un Américain ou au moins de cœur, comme elle. Avec moi, elle se contente de flirter et profite des heures où je m'y laisse à moitié prendre pour m'acheter ou me faire acheter, soi-disant par sa mère, mes meilleures toiles au rabais. Ce sont, croit-elle, des placements d'or. Et cette opinion flatte assez mon amour-propre pour que je lui pardonne la manœuvre qui frise l'escroquerie sentimentale. Son frère lui-même la blague à l'occasion. « Oh, Lucie, tu n'as aucun sens moral. » Géo en a, lui, ou croit en avoir. Le sens moral du second quart du XXe siècle. Il ne dédaigne pas les petits profits, commissions, pourcentages et ristournes, que peut lui valoir sa situation d'ingénieur dans les usines du grand fabricant d'avions Hénaud Feltri à Saint-Denis. Sa passion est pour les autos. Il a muni récemment sa voiture d'un nouveau dispositif qu'il appelle turbocompresseur, et il en a plein la bouche. Avec ce truc-là sur ma vulgaire petite Renault, je gratte n'importe quelle bagnole de marque. L'autre jour, en venant de Paris avec maman et Luce, sur la route entre Arles et Miramas, dans la Croix, 30 kilomètres en ligne droite et en palier. Je rattrape une grosse hispano qui marchait peinard à 50, Ils me laissent arriver à 10 mètres derrière eux, mais, comme de juste, au moment où j'allais les rejoindre, ils pressent l'accélérateur. Chut ! Du 80. Moi, j'ouvre en grand mon turbo. Ran ! Comme un moteur d'avion. Klaxonne, et je les passe à 140. Mes bonhommes en sont restés comme de ronds de flanc. Au rappel de cet exploit de son fils, qui lui donne encore la chair de poule rétrospectivement, Madame de Récourt murmure. « Quelle horreur du 140 ! Mon Géo, tu pourrais nous tuer tous les trois !» Madame de Récourt s'élusse à 50 ans et teinte en châtain foncé. Empâtée, bouffie, elle se sangle et s'étrangle pour faire jeune. A le snobisme de se croire à la page, se maquille, fume la cigarette, mais laisse à tout instant percer son irrémédiable passéisme. Ses propos s'échangent devant les ruines de Taureau-en-Tomme, qui sont au bord de la plage des Lecs. On y voit une excavation, un reste de mosaïque peu reconnaissable, et trois énormes jarres de terre cuite, comme il s'en trouve encore chez les vieux paysans provençaux. Les vestiges d'une villa gallo-romaine. Ils m'ont laissé plutôt froid comme les de Ricourt. Le docteur Alburtin, qui a pris l'initiative de nous y mener, est assez piteux, et par manière de compensation, il nous invite à prendre le thé au petit hôtel de la plage, où sont restées les deux voitures. La turbo, dans laquelle je suis venu de Cassis avec Géo et sa sœur, et la torpedo d'Alburtin, à qui Madame de Ricourt a donné la préférence, parce que le docteur conduit comme un sage, c'est-à-dire qu'il ne dépasse jamais le 60. Le docteur Tancred Alburtin me plairait fort, sans sa manie de vous allonger, à tout propos, de grandes claques joviales sur l'épaule, y laissant sa main appliquée de façon affectueuse et exaspérante. Le grand bonhomme quadragénaire, large de figure, blondasse de cheveux et de peau, a fait la guerre comme aide-major. Loin de crâner et de poser au héros, il tourne ses exploits en aimable galéjade, mais les raconte quand même. Nous nous sommes liés de camaraderie 2 ans plus tôt, lors de mon premier séjour à Cassis, où il exerce la médecine tout en dirigeant une clinique de radiothérapie qu'il a le tort de négliger un peu pour se livrer à ses recherches personnelles. C'est un scientiste convaincu en même temps qu'un amateur des curiosités de la région. L'insuccès de son taureau en tome s'oublie devant le thé et le cake. L'éloge enthousiaste que Géo a fait de sa turbo aiguille l'entretien vers les vitesses de transport actuelles et futures. Luce évoque ses souvenirs de voyage en avion. Paris-Londres, en 1h30, 260 à l'heure. Chez Hénaud Feltri, déclare son frère avec orgueil, nous mettons au point un monoplan métallique à turbocompresseur, qui donnera en vitesse commerciale du 350. Alburtin, pour se faire pardonner ses antiquités à la manque, soutient et stimule la conversation nouvelle. Et quand la fusée astronomique sera devenue d'usage courant, ce n'est plus par centaines de kilomètres à l'heure que l'on comptera, mais par milliers. Quelle horreur ! S'exclame la douairière moderniste. Heureusement, ce n'est pas encore pour aujourd'hui. Je ne verrai pas cela, ni vous. Dans un siècle ou deux, peut-être. Ça, maman, raille Lucie, sévère. Ça s'appelle être à la page. Tu ne lis donc plus les journaux. J'allais citer, en effet, le départ de la fusée américaine. Mais Alburtin me devance. Carré dans son fauteuil d'osier, doctoral et bonhomme, il conférencie face à la mer bleue. Les voyages interplanétaires ? Mais nous y touchons ! Nous y sommes ! Avant 10 ans, affirmait en 1929 Hénaud Feltri, votre patron Géo, l'un des donateurs du prix Rep Hirsch et le grand champion de l'astronautique en France. Après l'avion, la fusée. C'est dans l'ordre, c'est la courbe du progrès inévitable. Songez à l'accélération du progrès scientifique et à la multiplication des découvertes. Le 19e siècle a réalisé à lui seul plus des 2000 ans qui l'ont précédé. Le début du 20e jusqu'à la guerre a fait faire le même chemin que le 19e entier. Toujours plus vite, toujours plus loin, toujours plus haut. La fusée à la lune et aux planètes, ce sera un jeu enfantin dès que l'on aura découvert, dans la dislocation atomique, par exemple, des sources d'énergie plus puissantes. Avec celles dont nous disposons à présent, c'est déjà possible, tout juste. il n'y a que 2 ou 3 ans qu'on s'en occupe sérieusement. Et cela progresse, l'opinion s'émeut, se passionne. On sent que l'instant est venu. En 1929, un Allemand faisait démarrer à 200 à l'heure la première autofusée, qui explosa au bout de quelques kilomètres avec son chat passager. Mais peu importe. En 1930, l'avion-fusée, monté par l'aviateur Espenlob, faisait un tour d'aérodrome à Lohenhausen, près de Düsseldorf. On annonçait dernièrement qu'un professeur de Budapest, Herr Dr. Obert, a inventé un obus-fusée, avec lequel il organise un voyage à la Lune et retour. 87 personnes, dont 20 femmes, se sont fait inscrire pour l'accompagner. Vous oubliez le film « La femme sur la Lune » qui nous montre le voyage accompli, d'après le metteur en scène Fritz Lang, décocha Luce en tirant une lente bouffée de sa cigarette à long tuyau de jade. « Blaguez toujours, mademoiselle. C'était de l'anticipation, ce film, mais ce n'en est plus. À présent, vous avez pu le lire, comme moi, dans les quotidiens de ces jours derniers. Voilà ce savant américain, le professeur Oswald Lescure, qui lance réellement une fusée avec passagers vers les espaces interplanétaires. Et vous avez pu le voir aussi dans le Petit Marseillais de ce matin. Le départ a dû avoir lieu aujourd'hui même. De Columbus, Missouri, complétai-je. Et le passager, ou plutôt la passagère, c'est la propre fille du professeur Lescure. Il faut qu'il ait confiance dans son invention. Et qu'elle est en certain cran, la gosse, reprit le docteur. On la compare dans les journaux à une aviatrice. C'est autrement dangereux que de franchir l'Atlantique en avion, son raid. Même si elle ne monte pas jusqu'à la Lune, comme on lui en prête l'intention, qui sait où elle va retomber sur Terre, et même si elle y reviendra? Ne doit-on pas essayer de suivre son appareil au télescope? Demanda madame de Ricourt en affectant un air renseigné. J'en doute, madame, et de toute façon ce ne serait pas un moyen de la guider, ni de la ramener à bon port. Alors, c'est un suicide. Le gouvernement ne devrait pas permettre. Géo intervint. Tu penses bien, maman, qu'il y a eu des vols d'essai. On ne part pas de but en blanc comme ça pour la Lune avec un engin nouveau. On doit posséder la manœuvre d'abord. Elle a fait de l'entraînement, cette fille, comme les premiers aviateurs, les frères White à Dayton, en 1903 et 4. Maintenant que le docteur m'y fait penser, Aurore Lescure, j'ai vu son nom sur des affiches de films d'actualité. Moi, je l'ai vue à l'écran, reprit Alburtin. Elle est fort gentille. Pfff ! Fit Luce dédaigneusement. Une doctoresse américaine, une savantasse à lunettes. Tu exagères, Luce, elle n'a pas de lunettes. Mais elle a un bien mauvais genre. Un vrai garçon, une horreur. Je me rappelle maintenant, je l'ai vu aussi. Avec toi, Luce, et madame Delval au Paramount. À chacune de ces réflexions, je fus sur le point de m'écrier. Moi aussi, je l'ai vu au cinéma. Et non pas une fois comme vous, mais 8 ou 10. Le plus souvent que je l'ai pu. Mais quels éclats de rire de Géo, quelle joviale plaisanterie d'Alburtin, quelle moue scandalisée de la vieille dame, quel ricanement de Luce ne me serais-je pas attiré, en ajoutant l'aveu qu'il m'eût été impossible de retenir. Je l'ai vue, et je la trouve adorable. Sagement, je me tus, comprenant moi-même tout le ridicule de mon sentiment romantique et romanesque. C'est prendre d'une beauté professionnelle de cinéma, d'un Rudolph Valentino quand on est femme, d'une Paula Negri quand on est homme. Passe encore. Il y a la contagion, l'esprit d'imitation, le snobisme. On subit le prestige d'un visage aimé par des milliers d'humains. Mais dans mon cas personnel, l'explication ne tenait pas. Ces gens à passion cinématographique y sont prédisposés. Ils s'éprennent tour à tour de toutes les grandes vedettes, de toutes les stars. Chez moi, au contraire, il suffisait qu'une idole au public parût à l'écran pour que mon instinct individualiste se hérissât contre elle. Cette multiplicité d'hommages, loin de me séduire, bloquait mes sentiments au-dessous du point de congélation. Pas une fois dans ma vie je n'avais ressenti l'attrait d'un visage célèbre. L'émotion éprouvée devant Aurore Lescure était unique dans mon expérience. La première fois que j'avais vu ce visage surgir, après un titre lu avec indifférence, je savais à peine de qui il s'agissait. Et pourtant, mon regard fut happé, mon attention mise au cran d'arrêt. L'image en noir et blanc était pour moi une apparition surnaturelle, une révélation bouleversante. Cette mince jeune fille, en combinaison d'aviatrice, le visage ovalisé par le serre-tête d'étoffe rude, ce visage réduit au trait essentiel, je le reconnaissais. Ce sourire à rien mélancolique et douloureux, cette bouche bien fendue, aux lèvres fermes, aux dents magnifiques, ces yeux limpides d'enfant, mais si profonds, c'était la synthèse même de mon type idéal de la beauté. Je l'avais déjà vue dans mes rêves, ou dans une vie antérieure, qui sait. J'avais beau me foyer d'ironie. Dans quelle vie antérieure, Nigo ? Cette jeune étrangère, séparée de toi par 5 ou 6 000 kilomètres, cette pionnière d'un sport futuriste, debout à côté de son wagon-fusée, de cet obus de métal brillant, la main sur le verrou du hublot-porte qui va se refermer sur elle quand elle aura fini d'adresser au tourneur de caméra son sourire forcé de convention. Lorsque son image disparut de l'écran, je ressentis un vide étranger, un découragement intime, un désolement démesuré. Et je quittai la salle, refusant de voir un autre film, emportant l'image merveilleuse. Et tout en me raillant de cette hantise, de cette possession, plus forte et plus tenace à chaque fois, j'étais retourné la voir, toujours plus intimement convaincu de retrouver l'image d'un être connu dans une vie antérieure, d'un être à qui ma vie était intimement liée par des liens mystérieux, mais aussi d'un être que, suivant toutes les probabilités, je ne rencontrerai jamais. Pouvais-je vraiment laisser soupçonner, même par un mot d'allusion imprudente, pareil sentiment fou à mes compagnons, cet après-midi d'octobre, devant la Méditerranée d'un bleu d'encre violette, sous les rayons d'un soleil déclinant ?